Couillon Avante. Ah, bonsoir. Tous les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous. Nous sommes ensemble jusque 22h. Ouais. Ouais, et c'est le retour, hein. Il était temps. Best Wenson inter tous, hein. Et meilleur vœu à tout le monde. Voilà, comme ça. Je traduis, en fait. Comme ça, c'est fait. Bah ouais. Comme ça, c'est fait. Il n'y a pas de problème. Émission de rentrée, donc émission classique comme chaque année, j'ai envie de dire. Le top album ? Mais ouais, on va vous parler du top album, si. Alors, les meilleurs, c'est toujours très très vaste, hein, comme, mais en tout cas, une sélection pour toi et pour moi, de 10 albums qui ont compté cette année, avec, puisqu'on fait de la radio, il faut partir d'un point pour remonter à un autre, et avec un espèce de top 10. Ouais, c'est ça, en commençant par le 10. Et pour avoir des places interchangeables, mais ça, bon, c'est notre débat, donc on est parti là-dessus, et c'est stop là, voilà. C'est ça. On fait comme ça ? Allez. On fait comme ça. Bon, allez, donc top numéro 1, dans top numéro 10. Est-ce qu'on fait le compte à rebours ? C'est ça. Je commence ? Allez, vas-y. Allez, numéro 10, donc, j'ai choisi Nick Cave and the Bad Seeds. Ah ! Mais oui, avec leur Skeleton Tree, mm-hmm. en hommage, en tout cas en partie, au fils de Nick Cave qui est décédé durant l'enregistrement. Ouais. Son fils Arthur qui avait 15 ans et qui est décédé d'une chute d'une colline en fait. Waouh. Voilà. L'album était déjà en fait avait déjà été en partie écrit par Nick Cave et il parlait déjà en fait de la mort, de la perte et de l'amour. Bah dis-moi. Donc il y a une certaine ambiance autour de ce disque qui est assez forte. Encore forcément. Plus évidemment avec encore plus forte. Le décès de son fils. Voilà. Et l'extrait pour ce soir, j'ai choisi Girl in Amber. Nick Cave top 10 pour Maud. C'est parti. Some go on, some stay behind, some never move at all. Girl in amber, trapped forever, spinning down the hall. Let no part of her go unremembered, close across the floor. Girl in amber, long to slumber, shuts the bathroom door. Phone, it rings, no more. The song, it spins since 1984. The phone, it rings no more. The song, it's been spinning now since 1984. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, don't breathe a word. Just step away and let the world spin. And now and turn, you turn, you kneel, lace up his shoes, your little blue-eyed boy. Take him by his hand, go moving, spinning down the hall. I get lucky, 'cause I tried again. I knew the world, it would stop spinning now since you've been gone. I used to think that when you died, you kind of wandered the world in a slumber till you crumbled, were absorbed into the earth. Well, I don't think that anymore. The phone, it rings no more. The song, it spins now since 1984. The song, it's been spinning now. And if you hold me, I will tell you that you know that. If you wanna leave, don't breathe. you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe a word and live. Seulement RQC sur votre radio. En 2016 pour les Pixies avec leur album Head Career, bien meilleure pioche que le détestable Indie Cindy. C'était pas compliqué. Ouais, il faut dire les choses comme elles sont. Et là, ils reviennent plutôt avec un album à la Pixies, un vrai album à la Pixies. Ils sont enrôlés l'ex-copine Bill Corgan, Paz Escantin, au poste de bassiste et ça se passe plutôt bien pour eux. Head Career, top 10 pour moi. Eh ben ouais. Ben oui, forcément. Forcément. Numéro 9, donc. Ouais. Alors, on va partir au Canada cette fois. Avec les Duchess Says. Ah. Voilà, 5 ans après leur dernier album. Il fallu le temps, forcément, avec Anne-Claude Duchesne. Quel personnage. Un peu taré sur ouais, le ouais, bord. Non, vraiment. Très taré même. Et leur album Science Nouvelle, puisque la chanteuse était occupée avec un autre projet. Pie Pie. On avait eu l'occasion d'écouter ici Pie Pie, très très bon projet d'ailleurs. Absolument. En espérant qu'il y ait bientôt une suite. Ouais. En tout cas. Bah, ça serait sympa. Ouais. Allez, Duchess Says, extrait de l'album Science Nouvelle. On va écouter Negative Thoughts. C'est toujours difficile à dire. Duchesse 16, mais Duchesse quand même. Duchesse 16. Mais quand même. Quand même. Ouais. Extrait de leur album Science Nouvelle. C'était Negative Thought. C'était le premier single qui était sorti de l'album. De grande qualité, évidemment. Bien évidemment. Un grand gabarit. N'est-ce pas? Faut dire ce qui est. Non, non, mais c'est vrai. Pas dans la demi-mesure. Quoi. Mais très bon album. Voilà. Allez, numéro 9 pour moi. Oui. Et alors, on va pas vous voler sur la marchandise, mais voilà, nous ne sommes pas consultés. Du tout. Et ça devait arriver, forcément, hein, chacun top 10. Et donc, en fait, c'est un top 8 pour chacun. Toi, c'est un top 8, moi, c'était un top 4. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Hein, donc, moi, non, top 8 parce qu'on a deux titres en commun. Ouais. C'est là que je voulais venir. D'accord. Mais ouais, enfin, celui que tu vas passer, c'est ton top 8, moi, c'est mon top 4. C'est mon top 9. Ton top 9, voilà. On va y arriver. Oh là là. C'est la reprise. Hein, ouais, c'est ça. Bref, deuxième position, les Allemands de Kokomo, mm-hmm, avec leur album monochrome Love. Noise. Love. Love. Ah, moi, je dis toujours Noise Love. Ouais. Monochrome. Noise Love, bon, ça va. Ça sort chez High Corrupt Records. Ça sortait en février dernier. Rayon, évidemment, on va dire post-rock pour faire... Ouais, avec un petit, large, petit peu métal. Avec quelques touches métal là-dedans. Et donc, neuvième passe pour moi, les Allemands de Kokomo, qui se retrouveront chez toi en quatrième place, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, on ne vous les passera qu'une seule fois quand même ce soir. Mais une seule fois, mais on vous fait plaisir. On est parti sur un 8 minutes Lichtstaub pour les Kokomo. C'est parti. We'll be right back. optimist, and I put in philosophical terms on what's called a pessimist. Okay, what's that mean? It means I'm bad at parties. I think human consciousness is a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist by natural law. Self, this accretion of sensory experience and feeling, programmed with total assurance that we are each somebody, when in fact everybody's nobody. I think the honorable thing for our species to do is deny our programming. Tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous, RQC. On ne vous a pas tout dit, l'émission qui fait débat, quand les acteurs locaux se mobilisent et prennent la parole sur notre présent, notre futur. On ne vous a pas tout dit, les troisièmes mercredis du mois, en direct et en public, de janvier à mai. Le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h30. On ne vous a pas tout dit. Proposé par la cellule environnement de la ville de Moucron, le centre culturel moucronois, produit et réalisé par RQC. RQC. Eh ouais. Effectivement, on ne vous a pas tout dit, c'est la station, voilà. Le communiqué est bien fait finalement, il ne faut pas trop en dire, mais donc c'est bien une série d'émissions débat en direct qui vont se dérouler les 3e mercredi du mois de janvier à mai avec différents thèmes de société bien évidemment. Et dans ces différents thèmes de société, on a choisi notamment l'économie pour démarrer. Commencer par le moins facile. Sujet le plus délicat. Voilà, hein, là où on maîtrise le moins, généralement. Et c'est une émission en public, donc on attend vous, le public, pour venir partager des choses, évidemment, et autour de discussions d'experts, mais pas que, mais des experts qui vont un peu mettre en situation, et puis évidemment vos interactions, puisque c'est ça qui compte, bien sûr. C'est ce mercredi 25, le premier, à 20h30. V'là. D'accord. Allez, numéro 8. Le 8. On va partir au Texas. Mm-hmm. Avec les barbus de True Widow. Ah. Voilà. 3 ans après leur dernier album, ils nous reviennent avec un album qui s'appelle J'ai trouvé la signification, ça y est. Ah. Ça se dit donc Avolgere. Avolgere. C'est de l'italien. Eh ben. Et ça veut dire entouré, encerclé. Eh ben voilà. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est dit. Voilà. On va écouter le morceau qui s'appelle Tallest. maximum délirium pour les tournésiens lillois. C'est ça. Tournaco-lillois. De Unicubic, qui reviennent avec un deuxième album qui s'appelle Maximum Axis en 2016. Et on retrouve évidemment cette patte, et je dirais même mieux cette fraîcheur dans leur son et dans leur style assez inimitable. Hein, franchement, il y a quelque quand chose. Même. Quelque chose. Unicubic. Allez, c'était pour mon top 8. Oui, top 7. C'est parti. Top 7, on va partir en Angleterre. Pardon. Ouais, vas-y. Nottingham. Ouais. Voilà. Avec un vieux groupe. Un vieux. Issu des années 90, quand même. Ah ouais. Tindersticks. Aime, hein. 3 ans après leur dernier album. Fait qu'entre deux, une séparation. Comme tous les groupes, pratiquement. Tout ça, quoi. Des années 90. Qui se reforment en 2006. Et en 2016, ils sortent de Waiting Room. Un album un peu similaire à celui de Nick Cave. Ah ouais. Dans l'ambiance, on va dire. D'accord. Voilà. Et on va écouter le morceau éponyme de l'album de Waiting Room. Hanging around another day, waiting for collection, feeling blue. Was putting up a fence to keep the birds out. Caught in a landslide, feeling unsure, don't let me suffer, don't let me suffer, don't let me suffer, don't let me suffer. I'm talking loud for anyone to hear. These faces of strangers in a place I don't know. Packing my things, getting ready to go. Just photos in my wallet of people I don't know. And don't let me suffer. Don't let me suffer, don't let me suffer, don't make me suffer. Others they rise without sense or word, begging without knowing to be released. And don't make me fall only being half done. You just make it quick, boy. You put your love aside and don't let me suffer. Don't let me suffer. Don't let me suffer. Don't let me suffer. Pour ma pomme avec Dernière Transmission, extrait de leur premier album qui sortait cette année. Dernière Transmission, on écoutait L'Amour des Éclipses et c'est un projet français, parisien, où on retrouve des gens notamment de Rum by Night, on retrouve Manu évidemment, Embo, ex-Son of Frida, ou encore Jérôme Orsoni, voilà, un trio qui sort un album assez... assez magique comme ça, assez jusqu'au boutiste et très très réussi. Dernière Transmission. Fort bien. Fort bien. Allez, top 6, si je ne m'abuse. On va rester en France, mais cette fois on va partir à Bordeaux. un peu plus dans le sud, avec le groupe VVVV. Et donc prononcez comme vous voulez. Vivi Vivi. Ouais, ou 5 5 5 5. Ah, peut-être. Voilà. Donc 15, le groupe 15. C'est pas trop. Vous êtes pas non, trop. Non, 20. Ouais, c'est 4V. Le 4V, quoi. Les 4V. Alors, ils sont signés chez une maison qu'on connaît bien ici, c'est À ton rêver du roi. Ah bah ouais, une bonne maison. Une très bonne maison. Voilà. Un premier album pour ce duo bordelais. Les V représentent en fait les ondes musicales. Mouvement oscilloscopique. Voilà, tout à fait. Ondulatoire. Et donc, c'est pour ça qu'on dit prononcer comme vous voulez. Voilà. Extrait de cet album, on va écouter le morceau Clean. De la radio à gogo. Pour ma pomme, et on est parti avec Farflung, groupe américain peu connu finalement chez nous, mais qui existe quand même depuis 1992. Bon, oui. Ils sortent un album qui s'appelle Numéro 5, qui évidemment n'est pas leur cinquième album. Suite était trop... J'espère pour eux. Non, suite était un peu trop simple, il y a des lives, etc. C'est plus ou moins leur 16e production pour cette année 2016. Farflung numéro 5, et bah voilà, si vous aimez un peu les ambiances, hein, vous l'aurez compris, même les trucs bien psychés, bien dedans, il faut découvrir Farflung, qui est, pour la petite histoire, un des groupes favoris d'Henry Rollins. Ça vous aidera, ça va peut-être pas vous aider, mais ouais, voilà. Quand même. Hein, pas mal. Quand même. Pas mal. 92, premier album sorti en 95, ils ont bien tourné jusque 2002. 2002, ils ont fait un break. Ils ont fait une tournée, un album en 2008, et puis ils sont revenus en 2016, voilà. Bon, prennent le temps ces gens, et ils ont bien raison. Bah oui. Allez, on en est à la moitié, donc top 5. C'est ça. Numéro 5, donc pour ma pomme, ce sera Emma Ruth Rundle, chanteuse notamment de chez Maria G's. Ouais. Et les Red Sparrows. Elle sortait son troisième album en 2016. Premier album était sorti en 2011 et deuxième album en 2014 avec Some Heavy Ocean. Cette fois en 2016, elle nous revient avec Marked for Death, et on va écouter ce soir Marked for Death. Touché par la mort. Voilà. Allez, c'est parti. Right, we'd meet each other in each other's eyes. It was right that we did see each other in our shadow sides. It was wrong to the crazy love, love's crazy as it does. And each of us and both of us so crazy as it was. Who is this girl? Who is gonna be with you when you breathe your last? Who is gonna Brussels, disque en vous tournant et découvert sur un tard pour ma part, mais qui figure quand même dans le top à la 5e place, Baby Fire, les Belges de Baby Fire, avec leur album Gold qui sort chez Off Records. Et on écoutait Brussels, un peu dans une veine proche de Motorland, j'y arrive. Baby Fire, c'est le projet avant tout d'une personne, Dominique Van Kapelen, bien connu pour ses travaux chez K.I.K., Qui est qui, pardon, ou encore chez Van Stroheim, si vous aimez les trucs un peu noise brut de décrofrage. Et puis pour Baby Fire, elle s'entoure chaque fois de des complices différents. Là, la sauce prend très très bien. C'est le troisième opus sous la forme de Baby Fire. Ça marche très très bien. À noter la présence d'un Enablers qui vient jouer des quelques notes de synthé en invité. Sympathique. C'est sympa quand même. Sympathique. C'est sympathique. Voilà, top 5 et coup de cœur, vraiment. Franchement, coup de cœur. Ça ne m'étonne pas. Bon. Top 4. Ouais. Et on va passer. On va passer. Parce que moi, c'était top 4 Kokomo. Kokomo, on voilà. Rappelle l'album. Chez nous, ça s'appelle Monochrome Noise. Noise, Love. Je ne vais jamais y arriver. Non, je ne pense pas. Chez Incorrupt Records, les Allemands, mais on vous a fait la longue plage en intro tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Bon, numéro 4 pour moi. Bah oui. Mm-hmm. Motorlane. Bah ouais, si c'est embêtant. Hein. Ouais, sais, si tu parles de Baby Fire, à un moment donné, tu parles de Motorlane. Mais en même temps, on a beaucoup aimé ce disque pendant l'année ici dans les Canards. Donc c'est un petit peu normal qu'il se retrouve là. Voilà. Bon, en 4 pour moi. En 2 pour moi. Voilà, comme ça vous savez tout. Motorlane, extrait de l'album Orphans of the Black Sun. Oui. C'est Ghost Army. Ouais, parce qu'en plus, on avait choisi le même titre. C'est fou. C'est complètement fou. Les esprits se rencontrent. Allez, c'est parti. Thank you. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. On ne vous a pas tout dit, l'émission qui fait débat, quand les acteurs locaux se mobilisent et prennent la parole sur notre présent, notre futur. On ne vous a pas tout dit, les troisièmes mercredis du mois, en direct et en public, de janvier à mai. Le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h30. On ne vous a pas tout dit. Proposé par la cellule environnement de la ville de Moucron, le centre culturel moucronois, produit et réalisé par RQC. Eh ouais, on ne vous a pas tout dit. Eh ouais, mais c'est bien de le rappeler quand même. Hein. On vous le dit quand même qu'il y aura cette émission en débat. Ça sera les troisièmes mercredis du mois. La première, c'est ce 25 janvier. C'est consacré à l'économie. Autour de la table, il y a des invités, des experts, des gens qui sont dans le domaine du commerce, de l'entreprise et de l'emploi. Intéressant. Des noms. Oui, bah oui. Allez, on balance. Balance. On aura par exemple autour de la table Pierre Vente de Pute pour les huiles Vente de Pute ici à Moucron, l'entreprise dans le zoning. On aura par exemple le président, le patron de l'UCM, ce sera là, directeur de l'UCM, monsieur Grémont-Pré. Je suis occupé de chercher hein, parce que j'en ai plein évidemment. On aura monsieur Coussement pour les entreprises Moresto. Oui, voilà. Des personnages de la vie moucronoise. Voilà, de la vie moucronoise qui vont venir parler évidemment de Moucron. C'est un peu les Moucronois parlent Moucronois, mais c'est plutôt pas mal. Et à noter une cinquième émission spéciale avec les politiques. Cette émission se fait en collaboration avec le centre culturel évidemment. Et puis pour tout vous dire au micro, il y aura Séverine de Culture et Dépendance et moi-même. Bon, sans blague. Faudra faire avec. Ça, c'est écoute. Ça bon. Va. Il en faut. Allez, on est parti pour le trio de tête. Le petit trio de tête. Oui. Et on va rester en France, pour ma part, avec le projet White Night Ghosts. Je vous en avais parlé, il avait passé mon tout début d'année. Ouais. Pratiquement. Il a sorti un EP à titre qui s'appelle Exorcisme Party. Rien que ça. Ça vous met déjà dans l'ambiance ça un dans petit l'ambiance, peu. Bah ouais. Et il a également fait la BO d'un film qui s'appelle Tangerine, qui a gagné d'ailleurs un prix au festival de Deauville. Mon Dieu, ce monsieur est fort occupé. Le morceau qu'on va écouter ce soir, c'est Post Love. We'll be right back. part, where I relieve you, the little people, of the burden of your failed and useless lives. But as my plastic surgeon always said, if you gotta go, go with a smile. His hands are on my throat. My key is in his eye. I'm splayed here on some curb. Shards of glass, a starry night. When will this pig man stop? His stink is like a dog. My life is mine to keep. I still kill him in my sleep. The car door is open wide, the mouth of death still calls my name. I beat him on his face, and I stand with all my strength. And I scream until he goes. I scream until he's gone. Then I crawl across the room. Then I crawl across the room. When Will I Return des Swans. Les Swans sont en troisième position pour ma pomme sur leur album The Glowing Man qui clôture un cycle, en tout cas qui clôture une vie même des Swans qui avait démarré avec cet album au titre imprononçable qui sortait en 2010. My Father Will Guide Me With A Rope. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. avec l'excellent To Be Kind aussi, et de Sire entre deux, un petit peu passé, peut-être plus inaperçu, quoique. Mais en tout cas, fameux bloc de trois disques. On pensait qu'ils allaient en rester là. Et à la sortie de Glowing Man, je fais partie de ceux qui pensent que c'est le disque de trop, que nenni. Album somptueux de bout en bout, enfin une magie vraiment dans leur musique. Ça sort comme toujours pour les Swans chez Young God Records. Et la voix féminine sur ce titre, c'est celle de Jennifer Jira, la femme de Michael Jira. Et pour la petite histoire, à la sortie de ce disque, il y a une chanteuse, Larkin Grimm, qui enregistre pour Young God Records et qui déclare dans la presse que Jira l'a violée. Et donc c'était juste à la sortie de ce disque où ils ont dû, enfin en tout cas c'est Jennifer Jira elle-même qui a, à force de communiquer, de poster sur Facebook, qui a un peu défendu son mari. Son mari, voilà, qui lui en est resté à une retenue d'usage, j'ai envie de dire, voilà. Et enfin voilà, il y avait toute une histoire un petit peu, c'était en février dernier, c'était en 2016. Voilà, ça c'est pour le côté people, pas le plus intéressant. Non. Le plus intéressant, c'est The Glowing Man, ce disque vraiment conséquent. Mais comme le groupe. Comme le groupe. Allez, top 2, pour ma poire, c'était Mutter Lane. Ouais. Et donc. Et donc c'est déjà passé. Ben voilà. Et donc c'est déjà passé. Voilà. Avant d'arriver dans mon top 2, je rappelle le Bing Bolen chez Farflung tout à l'heure. Effectivement, c'est une reprise de Human League, 1978. Morceau écrit par Martin Lenoble. Comme ça, vous savez tout. Et Phil OK pour les paroles. D'accord. Ça c'est dit. C'était au cas où. Allez, en 2. Oui. Bon. Fallait y arriver forcément. Disque qui sera plus qu'un disque pour plein de gens, qui sera un hommage, qui sera un temple sacré à devoir aller fouiller, dénicher. En tout cas, œuvre hors norme, ça c'est vrai. Disque hors norme dans la discographie d'un bonhomme qui s'appelle David Bowie, ouais. Qui sort un disque le jour de sa mort, à la limite, ou qui meurt le jour de la sortie de son disque. C'est selon. Bon, dans les faits, il est mort un petit peu avant, mais bon, voilà, ouais. Il y a de toute façon, le mythe est là. Et il en fallait bien un dans tout le monde de la musique, sur la musique, qui fasse un coup pareil. C'est lui. Voilà. Black Star, et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant d'écouter ce disque. Je pense que je l'ai eu dans les premiers jours de janvier 2016, et j'ai commencé à écouter ce disque en décembre, pour vous dire. Et malgré tout, c'est top 2, parce que ça reste d'une richesse et d'une inventivité assez exceptionnelle. Voilà, pour le coup, c'est vraiment un très grand disque dans la discographie de Bowie. Ça fait partie des 3-4 disques de Bowie à avoir absolument. Comme ça, c'est carrément. Fait. Ouais. David Bowie, extrait de Black Star, on va écouter Girl Loves Me. C'est parti, David Bowie. Tina's old sound so titty up, this Malchek say. Party up moods, Nanty Vella set round on Tuesday. Real bad dizzy snatch, making all the homies mad Thursday. Popo blind to the poly in the hole by Friday. When the fuck did Monday go? I'm cold to this Kingdom Park show. I'm sitting in the chestnut tree. Who the fuck's gonna mess with? Thank you. tea with a red rum. You'd be loving little fitter. Your first of one shot gobbles. Start to want the rush up. Split a dead from his ding ding. Viddy viddy at the China. David Bowie, donc, avec l'album Black Star, évidemment, les clips hein, qui ont accompagné Black Star, c'est quelque chose, quoi. Aussi. Aussi. Aussi. Bon, allez, avant de rentrer dans le top 1, oui. Chacun, des déceptions au niveau musical. Ouais. Ouais. Et une grosse déception. Une grosse, la grosse déception. Qu'on a en commun, apparemment. La grosse déception en commun. C'est pour les Suédois de Goat. Absolument. Et leur album Requiem. Qui porte bien son nom. Tu penses? Franchement, ça se trouve, il y aura une renaissance hein, par la suite. C'est à espérer pour eux parce que sinon, dommage. Ouais, après un premier album qui est. À tomber par terre. Voilà. World Music, ouais. Tu t'en souviens? Ouais, ouais, ouais, absolument. Un commune qui était. Pas mal. Pas moins mal, bien, mais. Moins bien, mais bon, World Music est tellement énorme que. Ouais. Voilà. Bon, c'est Requiem, non. Non. Mais non. Passe pas. Il y a peut-être deux morceaux qui restent sur l'album, en tout cas qui restent dans l'idée Goat. Ouais. Et justement de World Music. On dirait un side project de Ringo Starr, c'est pas possible. Oh non. C'est pas possible. C'est aussi réussi. Non mais c'est vrai. Donc ouais, c'est la grosse déception. Hein. Absolument. Franchement. Pas possible. Et pour ma part, j'ajouterais The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser. À vous aussi. Qui est le nom du sixième album de Rob Zombie. Oui. Qui est absolument lamentable. Mais vraiment, vraiment lamentable. Alors, Rob Zombie, on sait, voilà, c'est White Zombie, Rob Zombie, enfin, l'univers, machin, un peu la version cartoon de Tarantino, ok, tout ça on aime bien. Et puis, premier morceau qui démarre, c'était Well, Everybody's Fucking in UFO. Mm-hmm. Toujours sympa. avec évidemment Sherry Moon, sa femme. Hein, et donc c'est un clip qui est super bien fait, super léché, qui fait 7 minutes, 7-8 minutes. Tout ça fort bien, mais après, non. Franchement, non. Ah, mais ça fait depuis un moment qu'il... Mais non. Il doit... Ou alors il doit prendre quelques riffs par-ci par-là, les mettre dans ses films et continuer à se concentrer sur le cinéma. Mais les deux en même temps, non. Il a sorti un film, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon. Ça s'appelle 13, je pense. Ah ouais. Ouais. Bon, pas on vu. On regardera. Pas vu. On regarde, mais on le regardera. D'accord. Ne t'inquiète pas. D'accord. Et pour ma part aussi, deuxième album, c'est Tio Seas. Mm-hmm. Qui avait sorti Where Exist. Ouais. Très déçu. C'est vrai ? Voilà. Ils ont perdu un peu de leur Tio Seas. Bon. Voilà. Quand on les voyait sur scène, plein d'énergie. Allez. Et ça a perdu de la voix déjà. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de morceaux instrumentaux. Ouais. Et ça fait assez bizarre. Et il y a un côté un peu psyché folk. Tu vois ? D'accord. C'est un peu dérangeant. Et le gars, il aussi, j'oublie toujours son nom, mais c'est pas très important. Il redémarre son tout premier groupe. Hein. Voilà, c'est ce que je dis. De mon avis. 2017, il redémarre. Omega ou quelque chose comme ça, là, je ne sais plus ce que c'était. Mm-hmm. Mais voilà, il bosse là-dessus, il va ressortir son... Et avec les musiciens de l'époque, même, je ne sais pas. Ouais, tout et premier puis projet. Ils avaient perdu Brigitte Dawson. C'est vrai. Et, voilà. Discrète, et... mais qui apportait quelque chose. Voilà, et à mon avis, ça a quand même fait un petit quelque chose au groupe. Mm-hmm. Malheureusement. Et bam. Et bam. Ils se sont un peu cassés la gueule avec cet album. Allez, number one. Ben, number one, mm-hmm. Pour ma part, ce sera Muscle and Marrow, mm-hmm. un duo, ouais. fille garçon. L'album s'appelle Love, mm-hmm. C'est un requiem aussi d'ailleurs, oui. facile, écoute. Mais beaucoup mieux fait. Ah, réussi celui-là. Réussi celui-là. En hommage à la grand-mère de la chanteuse qui est décédée d'un Alzheimer, c'est elle qui l'avait élevée en fait. Ok. Donc avec elle dans sa vie. Mm-hmm. Et en hommage aussi à Courtney Love. Ah bon, parlons de Requiem forcément. J'ai qu'à de le dire. Parce voilà. que la chanteuse ne connaissait pas du tout Hall. Allez. Voilà. Elle est jeune. Elle est assez jeune, oui, mais pas donc ça. Et en fait, c'est en écoutant un Hall à la radio et en entendant, c'est Courtney Love qui chante. Allez. Ah, Courtney. Et c'est là qu'elle a su que c'était la femme de Kurt Cobain. Ok. Et donc voilà. Et voilà, grand âge avancé, forcément, on trouve ça toujours très bizarre. C'est ça, voilà. Mais en fait, non, je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas encore qui est Courtney Love. Et Hall. Alors, l'album donc, s'appelle Love et on va écouter de Muscle and Marrow, on va écouter Light. C'est le morceau qui ferme l'album. Thank you. Eh ben. Ouais. Muscle and Marrow. Ton top 1. Eh ben, dis-moi. Mérité, l'album. Hein. Ouais. Hein. Mérité, non, mérité. Quel album. Franchement. Très, très bon album. Alors, elle n'a pas beaucoup de culture. Non, non, mais. Côté quelle vie, quoi. Ouais. Quelle vie dans son morceau. Ouais, dans tout l'album d'ailleurs. Parce que tout l'album est plus ou moins du même. Akabi. Akabi, ouais. Et donc, duo américain, Muscle and Marrow, qui était un peu plus dans le métal en fait, avant. Allez. Enfin, s'entend un petit peu. Ouais, si. Un petit peu, mais qui se sont radoucis. Pour cette année 2016. Pour leur bien. Ouais, et pour nous, notre bien aussi. Pour notre bien aussi. Allez, alors là, c'est vraiment pas une surprise pour ceux qui écoutent Les Canards depuis bien longtemps et qui ont écouté en 2016 régulièrement, les dimanches. Mm-hmm. Parce que cet album a quand même tourné un petit peu pas mal depuis sa sortie, là, début d'année aussi. Maman Custer's duo brestois qui, complètement effacé, hein. Un 45 tours qui avait fait un gros carton, un clip vidéo bien comme il faut, et puis trois fois rien, et Unknown Pleasures Records qui et le Turc Mécanique qui s'associe pour sortir cet ovni. On rentre dans les années 80. Il y a du Taxi Girl, ouais, il y a du Bachung aussi. Mais pas que, il y a Liaison Dangereuse, il y a Visage, il y a tous les super-héros des années 80 dans ce disque-là. Voilà, donc forcément un petit peu de nostalgie. Bon, allez. Pourquoi pas. Maman Custer's, Sous la peau de Maman Custer's, c'est le nom de l'album. On va écouter 15 minutes de gloire. Et c'est mon top 1. Si, c'est fait. Salut, moi c'est Warhol Andrew. Mais derrière mon loup, tout le monde me dit chaud. Demande à Reed ou bien John Kell. Ici c'est une banane que l'on pèle. Juste une histoire d'aller-retour dans un souterrain de velours. Si t'es discrète comme un drag queen, tu peux finir dans la bobine. T'auras tes 15 minutes de gloire. Depuis qu'elle est allée danser, mais tu peux choisir Séverine, Eddie, Morrissey ou même Gérard. Tu sais, tout est glamour si tu le fais sur un lit, même l'amour. Salut, moi c'est Warhol Andrew. Mais derrière mon loup, tout le monde me dit chaud. Comme je dis toujours, 2 c'est la foule, 3 c'est la fête. Je te filme en 16 mm, lui et ses 20 cm. Comme Marilyn, je rougirai tes lèvres. T'auras tes 15 minutes de rêve. Chelsea Girl, gonflée à l'hélium. Tu peux même mâcher du chewing-gum. Je fais des sérigraphies, demain ce sera photographie. On appelle ça la factory. Séverine, Séverine, Séverine. Luisante, luisante, botte de cuir. Séverine, Séverine. Luisante, luisante, botte de cuir. Ouais, Marcel Duchamp, tout ça, Yoko Ono. Enfin bref, c'est bien chérie, t'as fait du bon job. Le screen test, on l'appellera blowjob. On ne sait vraiment plus où donner ta tête. Je filme toujours les heures de fête. Tu préfères cash ou en sterling? Demande à Morrison, moi je n'ai que dollar bill. On va te mettre sur pellicule. Ici le truc c'est qu'on accumule. Si t'es gentil, ma belle, il nous reste de la soupe Campbell. Séverine, Séverine, Séverine. Luisante, luisante. Salut, moi c'est Warhol Andrew. Mais derrière mon loup, tout le monde me dit chaud. Demande à Reed ou bien John Kell. C'est une banane que l'on pèle. Juste une histoire d'aller-retour dans un souterrain de velours. I wanna be a porn star. Oh. Tous les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous, RQC. Allez, bah ouais, il en fallait un des numéros 1, donc c'est celui-là, hein. Maman Custers. Et voilà. Sous la peau de Maman Custers. Ouais. Juste par plaisir coupable. Bah bravo. Mais par le plaisir quand même. Oui. C'est le principal. Mais c'est du plaisir. Alors on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, ce qui paraît. Bah ouais, avec toutes les séquences habituelles. Hein. On va vous causer un petit peu de métal avec Korenko. De livres. Ouais. Il y aura de l'archive. Ouais, il y aura l'album de la semaine. Voilà. Tous des trucs comme ça. Bon, allez, quoi que vous fassiez, faites bien, sortez couverts, soyez prudents et à la semaine prochaine. Bonsoir. Bye bye. Everyone thinks they're such sweet little things. Ducks, ducks. Soft downy feathers and nice little wings. Ducks, ducks. Quack, quack, quack, quack. But there's a poison I'd like to administer. You think they're cuddly, but I think they're sinister. Ducks, ducks. Quack, quack, quack, quack. Ducks, ducks. Quack, quack, quack, quack. What are they doing at night in the park? Ducks, ducks. Waddling about in the dark. Ducks, ducks. Quack, quack, quack, quack. Sneering and whispering and stealing your cars. Reading pornography, smoking cigars. Ducks, ducks. Quack, quack, quack, quack. Ducks, ducks. Quack, quack, quack, quack. Nasty and small, undeserving of pride. Ducks, ducks. Quack, quack. They smirk at your hairstyle and sleep with your wife. Ducks, ducks. Quack, quack, quack, quack. Dressed in plaid jackets and horrible shoes. Getting divorces and turning to booze. Ducks, ducks. Quack, quack, quack, quack. Ducks, ducks. Quack, quack, quack, quack. Forcing old ladies to throw them some bread. Ducks, ducks. Quack, quack. Deny, they'd be better off dead. Ducks, ducks. Quack, quack, quack, quack. Look closer and you may recoil in surprise at web-footed fat.